être pompier. Mais petit avec le feu, j'avais peur de brûler. Je voulais être boucher. Mais les têtes de veau dans la vitrine faisaient flipper. Je voulais être jardinier. Et il fallait travailler dehors même quand il pleuvait. Je voulais être curé. Mais à cause des filles, j'aurais certainement péché. Alors je ne suis qu'un chanteur et je chante la bonne humeur. Je ne suis qu'un chanteur et je peux chanter pendant les heures. Je voulais être mannequin. Mais on m'a dit désolé, il faut être bien gaulé. Je voulais être médecin. Mais à la vue du sang, c'est vrai que je m'évanouissais. Je voulais être comédien. Mais je ne pouvais pas tourner dans un dessin animé. Je voulais être pharmacien. Et les ordonnances, je n'aurais jamais pu les décrypter. Donc je ne suis qu'un chanteur et je chante la bonne humeur. Je ne suis qu'un chanteur et je peux chanter pendant les heures. Je voulais être boulanger. Mais à 2h du mat, c'était impossible de se lever. Je voulais être huissier. Mais je ne voulais pas tirer profit des défavorisés. Je voulais être policier. Ah bon? Ouais, mais ça me faisait chier de mettre des PV. Je voulais être poissonnier. Mais je ne voulais pas sentir le poisson toute ma journée. Et je ne suis qu'un chanteur et je chante la bonne humeur. Je ne suis qu'un chanteur et je peux chanter pendant les heures. Je voulais être professeur. Et à l'école, je n'avais que des zéros pointés. Je voulais être agriculteur. Mais je me tape le rhume des foins au printemps chaque année. Je voulais être ma sœur. Et je n'aurais massé que les filles qui me plaisaient. Je voulais être plongeur. Mais t'as dû t'apercevoir comme moi que je ne sais pas plonger. Alors je ne suis qu'un chanteur et je chante la bonne humeur. Je ne suis qu'un chanteur et je peux chanter pendant les heures. Je ne suis qu'un chanteur et je chante la bonne humeur. Je ne suis qu'un chanteur et je peux chanter pendant les heures. Je ne suis qu'un chanteur et je chante.